Chapitre 4. Charles, dit un jour Claire Langlois à son mari, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait bientôt temps de s'occuper de marier Marguerite? Voilà l'année de deuil révolue depuis la mort de notre pauvre maman. Nous allons quitter les robes noires, et il ne faut pas oublier que nous avons encore plusieurs petites sœurs à marier après celle-là. Langlois demeure soucieux. Se marier soi-même est déjà fort délicat, mais marier ses belles sœurs, c'est bien autre chose. Cependant, comme personne ne marierait les pauvres petites s'il ne permettait pas à sa femme de s'en occuper, et comme le docteur n'était pas disposé à prendre la responsabilité de les vouer tout au célibat, force lui fut de convenir qu'en effet il ne serait pas mal de laisser voir un peu de monde à Marguerite. « Qu'est-ce qu'il faudra faire ? » demanda Madame Langlois. « Pour commencer, des petites soirées tranquilles avec des gens sérieux, et une partie de cartes, et puis ensuite, on pourra organiser des petites sauteries. » Langlois pensa que ce que Claire appelait des soirées tranquilles serait le renoncement à son repos et à ses meilleures heures d'études, mais on doit bien quelque chose à sa femme. Madame Langlois était à l'âge où l'on jouit le mieux de ce qu'il est convenu d'appeler les plaisirs du monde, et l'en priver systématiquement eût été cruel. C'est ainsi qu'un an, jour pour jour, après la triste soirée de Daufrigny, André, appuyé dans l'embrasure d'une fenêtre, entendit Marguerite chanter une vieille chanson revenue à la mode. Elle chantait avec une grâce naïve qui donnait du charme même aux paroles ridicules, même à la musique banale. Ce qui la distinguait des autres jeunes filles était l'absence d'emphase qu'elle apportait à ce devoir de société. Elle chantait avec une grâce naïve qui donnait du charme même aux paroles ridicules, même à la musique banale. Ce qui la distinguait des autres jeunes filles était l'absence d'emphase qu'elle apportait à ce devoir de société. Elle chantait parce qu'on le lui demandait d'abord, et que se faire prier eût été impoli, et puis parce que chanter n'est pas désagréable en soi, quand on a la voix juste et fraîche. André écoutait cette voix avec un plaisir qu'il ne cherchait pas à se dissimuler. Cette chanson vieillotte éveillait en lui mille souvenirs du passé. Lui, qui n'avait jamais eu de mère, se rappelait avec une singulière douceur ce refrain antique dans la bouche d'une vieille lingère qui, au lycée, lui donnait des mouchoirs de poche en semaine quand il en avait besoin. Il montait les escaliers de la lingerie, tout en haut du vaste bâtiment. Dès le second étage, dans ce grand silence des dortoirs déserts, il entendait la voix frêle et ténue comme un fil d'araignée qui chantait « Quand les reines du temps passé ». Il entrait dans la lingerie et la bonne femme, levant sur lui ses yeux ornés de bessigles, lui disait en souriant « Un mouchoir, mon petit monsieur André ?»« Tout de suite, vous avez de la chance, vous, qu'on ne vous regrette pas les suppléments. » André aimait cette vieille accorte et proprette, et plus d'une fois il s'était querellé avec un camarade hargneux qu'il avait appelé vieille bique. Pourquoi maintenant, pendant la chanson de Marguerite, évoquait-il l'image de sa vieille amie du lycée, ensevelie au fond de sa mémoire? Était-ce seulement le refrain, ou quelque chose de plus profond ou de plus intense qui lui donnait cette émotion étrange? Marguerite avait terminé sa chanson et se dérobait modestement aux applaudissements de l'assistance. Elle passa près d'André, qui sut aussitôt à quoi s'en tenir sous l'impression qu'il venait d'éprouver. Les yeux de la jeune fille, souriant et bon, lui avaient rappelé le visage ridé de sa première amie. Plein de reconnaissance, il la regarda à son tour, et soudain, au milieu du salon bruyant et plein de lumière, une autre vision se présenta à ses yeux. C'était une chaude après-midi de juin. Marguerite se montrait dans une porte, avec un enfant d'un jour endormi dans les bras. Il l'avait souvent revue, cette apparition délicate. Elle avait passé dans son cerveau à certaines heures de fatigue et de découragement. Sur le seuil même de Rose, il avait cru la rencontrer. C'était un avertissement du destin. Que ne l'avait-il écouté? Puis, sans qu'il pût s'expliquer quel fil mystérieux renouait dans son esprit ses visions diverses, il se rappela la crypte et l'adieu de Marguerite en deuil, en pleurs. « Bon voyage, monsieur !» Dans cette parole indifférente, il avait cru sentir quelque chose d'ému. Hélas, le voyage n'avait pas été bon. Une année déjà s'était écoulée, et tout à coup André, se rappelant la date, frissonna d'horreur. C'est à 7 heures de la nuit qu'éperdu et affolé, la main sur sa blessure qui saignait, il avait interrogé vainement tous les buissons, toutes les herbes de la rive, au bord de ce fleuve étranger qui avait pris et gardé l'épouse coupable. Aujourd'hui valait mieux pourtant. Sortant de sa douloureuse pensée, il leva les yeux, comme attiré par un aimant discret. Il rencontra le regard de Marguerite fixé sur lui avec une tendre sollicitude. « Vous souffrez ?» semblait dire ce regard honnête et pur. « Je ne puis sans doute rien pour vous, mais si je pouvais ?» André passa la main sur son front et remercia la jeune fille par un sourire. Troublée, elle se détourna et se mit à s'occuper, avec une sollicitude empressée, d'une dame âgée qui se trouvait près d'elle. La soirée continua avec beaucoup de gaieté tranquille et douce, comme tout ce qui émanait des deux charmantes sœurs. Marguerite fut encore priée de chanter. Elle s'en acquitta avec la même simplicité. Quand les sons de sa jolie voix eurent cessé, André se sentit soudain pris d'une grande tristesse, si grande que le brouhaha joyeux lui devint insupportable. Il prit discrètement son chapeau et sortit. Pendant qu'il marchait lentement dans les rues désertes de la vieille ville, il repassait dans sa mémoire les incidents des deux années précédentes, et malgré son énergie, il s'apitoyait involontairement sur lui-même. La destinée lui avait été cruelle. Il n'avait pas 27 ans, et déjà son avenir se trouvait grevé d'un fardeau écrasant. Jamais d'enfant, jamais d'épouse à son foyer désert. Il rentra dans sa maison, où son pas éveilla partout des échos. Rien n'est sonore comme les maisons peu habitées, dont le maître est souvent absent, et où personne ne demeure que lui. La bonne envoyée par Madame Langlois demeurait hors du logis, qu'elle quittait le soir pour revenir le lendemain de bonne heure. André prit la lampe qui l'attendait tous les soirs, parcourut le corridor, entra dans sa chambre, et vaincu par le souvenir de ses peines, s'assit sur une chaise profondément découragée. Jamais d'enfant. Le minois rose du petit Langlois lui revint à la mémoire. Les grands yeux mutins, les mains potelées qui jouaient avec sa barbe, la bouche souvent souriante, souvent boudeuse, qui faisait de si drôles de petites grimaces, quand bébé ne savait pas trop s'il devait rire ou pleurer. Toutes ces choses charmantes, ces émotions délicieuses que donne l'enfant à ceux qu'il aime, resteraient pour lui entrevues seulement, comme le prisonnier entrevoit ceux qui lui sont chers à travers les barreaux. André prit sa tête dans ses mains et pleura.